d'un du pion, je ferme même vos opinions. Qu'ils soient néfastes, nauséabondes, un feu ne suffirait pas à éteindre un foyer qui ne compte que des personnes toutes remontées les unes contre les uns. Vous allez me dire, je n'y comprends rien, il suffit de penser à l'un qui n'en voulait qu'une, elle une qui en voulait deux. Et celle qui n'a jamais soif, celui qui en demande, qui n'en peut plus attendre, mais jusqu'à quand? Et tout changea d'une après l'une jusqu'à en oublier là. Là, elle s'enchante cristal, devenue l'une remontée contre là. Alors un objet compromettant avec prétention ne fit qu'un circuit, et tout devient ce qui était avant, devenu tout. Et cet individu qui ne jure que par ses poings, juste pour lui en mettre une dans le cul, et voit à travers sa mère que ça, une en prenne bien deux. C'est comme ça et comme ça, juste parce qu'elle sourit, qu'elle est plus heureuse que lui, du moins elle l'était. Et elle sent bien et vulgaire au faux air de vrai. Et l'autre la regarde, elle le sent. Alors l'un est méprisant et méprisable, du mélange des unes avec les autres. L'un et l'une est la fait, l'un pour l'une fait l'une pour l'un. C'est ce que l'on cherche, la lune, la lune. Ce qui se cherche ne se trouve pas. Ce qui se trouve ne se quitte pas. Elle repart, elle revient, elle revient, elle repart. Elle comme ça, elle comme ça. Et pour finir, ne plus revenir. Des besoins de ça, ça, ça. Et après tout, je m'en fous, je me tire de là. Tu en fais ce qu'on veut. Les humains à remonter.